maternité. Maternité. Maternité de Geneviève Brisac. Épisode 2. Allaitement. La sage-femme n'était pas d'humeur. Ce n'est pas sorcier, vous vous y mettez quand ? Ma sage-femme est une sorcière, je pense. Un mot d'esprit bien inutile. On y va. Dit cette voix trop forte et impersonnelle qui s'enfile avec la blouse. On va où ? Dans le parallélépipède en plastique transparent, à quelques centimètres de ma tête, de mon oreiller trempé, le bébé minuscule et sans nom hurle comme un chaton nouveau-né. Un bébé grand comme une bouche. Allongez-vous sur le côté gauche. Les bras le long du corps. Cela me tétanise. Je suis une bûche. Une bûche avec des seins gonflés et durs comme de la pierre. La femme pose le bébé sans nom contre le sein de pierre. Elle va trouver le sein, affirme-t-elle. Les bras le long du corps. Le bébé cherche. Je pleure. Comme un mur invisible d'impuissance entre nous. Cela dure. Ce n'est pas que ça à faire, dit la sage-femme. Vous y mettez de la mauvaise volonté. Jamais vu ça. Toutes les femmes ont cet instinct. Tous les bébés cherchent le sein. Les bras le long du corps. Laissez-la venir. On va mourir, je pense. Le bébé va mourir de faim et moi, j'en mourrai de honte. Et puis ce fut comme une apparition. La Vierge à l'enfant de Véronèse devant mes yeux. Elle est assise. Elle tient le nouveau-né dans son bras arrondi. L'enfant lève sa tête et pose sa bouche sur le téton. Accrochée à ma vision, je me redresse, je me hisse sur les coudes, je prends l'enfant, je la pose dans le creux de mon bras gauche, je baisse les yeux vers elle, elle me fixe de ses pupilles troubles et elle attrape le bout de sein marron. Nous naviguons. Ainsi, la transmission d'un geste ancestral, cette transmission quand elle a échoué, quand elle n'a pas eu lieu, peut passer par un autre chemin, le chemin des souvenirs et des émotions esthétiques. Grâce à la force d'un tableau de la Renaissance italienne, la puissance d'une Vierge à l'enfant, la puissance de la métaphore. Retour à la maison. Rome n'est plus dans Rome. La maison n'est plus la maison. Quand la jeune accouchée repasse pour la première fois le seuil de la porte, de retour de cette aventure difficile à raconter, elle éprouve un sentiment d'étrangeté. Tout est pareil, le fauteuil, la cuisine, le lit, mais elle ne sait plus rien faire. Revient le sentiment qu'il a étreinte quand on l'a laissée seule avec son bébé pour la première fois, et qu'elle a été saisie par l'infinie étrangeté de la situation. Il y a quelqu'un là où il n'y avait personne. Et ce, pour toujours. Tout le monde alentour semble penser qu'elle y est pour quelque chose et qu'elle connaît la suite de l'histoire. Je me souviens du couffin trop lourd, de la valise. Comme un retour de vacances, mais il y avait le bébé, désormais et pour toujours. Et tous mes gestes en étaient transformés, précautionneux et terrorisés, comme ceux d'une personne prise de vertige sur un chemin de contrebandier. Nous lui avions préparé une chambre, mais pas trop pour ne pas provoquer le destin. Les amis avaient prêté des trucs, il faut tellement de choses pour accueillir un bébé. Une table à langer et une baignoire. Des habits, un landau. Tout le monde le sait. Des chaussons tricotés. De la biafine et du mitosil, des lingettes. Des chaussons en laine rose et blanche. Un petit bonnet. La maison est beaucoup plus vide et silencieuse que l'hôpital. Tout le monde reprend sa vie habituelle, sauf nous, le bébé et moi. On se regarde. On est intimidés. Je me dois de la prévenir que, comme la plupart de mes semblables primipares, je ne sais rien faire. Je serais bien restée plus longtemps à l'hôpital. Ou alors, j'aurais bien aimé y retourner la nuit. Car la nuit gère dans l'appartement. Je me penche mille fois sur le berceau, où le bébé respire trop doucement pour que j'entende son souffle de mon lit. Je la réveille pour être sûre que tout va bien. Et tout va mal, parce qu'alors, elle pleure.